Et maintenant, une chanson que j'ai écrite quand j'avais 18 ans. Une chanson sur la solitude, le mal de vivre de l'adolescence, lorsque je me confiais à ma guitare. Ce morceau, je le dédie à tous ceux qui, comme moi, ont pleuré seuls dans la noirceur de leur chambre. Allez, Gérald, mets la sauce. La forte impression de cette apolide, d'un rêve putrescent qui m'inspire en toi. Je ne puis que t'aimer. La première fois, tes regards bleus sang croisèrent mes yeux vides. Oh, te souvient-il de nos mortels heures, dans où nous allions tous deux vêtus de noir, rôder près des canons, traîner nos désespoirs, chanter au cœur. We die, one of the other. Oh, te rappelles-tu de terribles pensées? Ce soir nous disions qu'il valait encore mieux garder notre pâleur, ne jamais être vieux. Ta centre étranglée avec des lacets. Lasse, lasse, lasse. Maintenant, tu as refait ta vie. Tu aimes les couleurs et tu ris aux éclats. Tu es même heureuse et tu m'abandonnes là. Moi seul, je pleure sur ma douleur infinie. Ma tristesse sans borne, bue, urinée, infiltrée. Ma tristesse.